kasine mituna kadie lelo yona yokina nzoto die eloko bako benga kolinga mobali akolinga noki mpe akoboya noki motema na ye ebetaka mbangue talatina mobali abandaka mwasi andima nsima mpe amipesa simadi moke moke lokola lisano odi ye akomi mombu ya kolinga mwasi amela bolingo te na kati ya motema mobali asukisa bolingo na kati ya monoko ntango nyonso se maloba Tu as libosso à quoi pour le cabisso macango? Pepino va te libosso à cause de la bisso bambanda. Est-ce que tu comprends le cambo normal? Citoyenne, moi bas, le cambo à Néali, pour tango bisso de Luca Capino, macango toli bala. Pour l'ingabosa, le coup à pour l'ingabisso à moi retard. Yangwana pe, amour wana abino et tika la gana moi retard, tango bisso de Benaranzoto. Pepino bolingaka, bon mela bolingotina katia motema, mais bisso. Ah vraiment, on a raison. Oh mama mama nanga na go balade o bandebo, na baby motema Pas si bon.